Chapitre 28e. Le marquis l'aimait-il ? Ce fut la question que Clémence se posa et examina en revenant au château. Elle était si bien absorbée dans cet examen, pour elle plein d'intérêt, que ce fut à peine si elle prêta l'oreille à l'explication plus que vive qui eut lieu entre le marquis et M. de Carquebus lorsqu'ils arrivèrent à la barrière où celui-ci les attendait. Cependant un mot força son attention. Au retour, le marquis ne proposa point le saut de cette barrière, mais descendant de cheval, il ouvrit avec une clé qu'il tira de sa poche. « Comment ? » s'écria M. de Carquebus rouge comme un coq. « Vous aviez la clé et vous m'avez laissé là ? Nous avions envie de sauter ces barrières. C'est de la folie. On n'expose pas une femme ainsi. Je n'aurais pas cru que c'était possible si je ne l'avais pas vue. « Vous avez raison, » dit le marquis. « Ça a été de la folie. Sans parler de madame, je vous ferai observer que votre procédé envers moi a été inqualifiable. Pour cela, mon cousin, je n'accepte pas vos observations. » dit le marquis d'une voix sèche et en se redressant. « Cependant, si vous aviez envie de nous suivre comme vous nous suiviez depuis le château, il fallait sauter après nous. » Monsieur de Carquebus murmura quelques paroles inintelligibles et lança Clémence un regard féroce. Mais elle avait bien du souci du regard et des paroles de Monsieur de Carquebus. « Ça a été folie, » avait dit le marquis. C'était ce mot seul qui, dans cette explication, l'avait frappé. Où avait été la folie ? Dans le saut de la barrière ou dans la promenade sous les sapins ? Cela ramenait à sa question, le marquis l'aimait-il ? Au premier abord, la réponse semblait ne pouvoir être qu'affirmative. Pourquoi cette émotion le jour de la récitation d'Esther ? Pourquoi ces absences voulues et ces retours involontaires ? Pourquoi cette assiduité à suivre les leçons d'une petite fille ? Pourquoi ces éclairs lorsqu'ils la regardaient à la dérobée ? Pourquoi cet embarras lorsque leurs yeux se croisaient ? Pourquoi cette douceur dans la voix lorsqu'il lui parlait ? Pourquoi avait-il été furieux que le cousin Artem les accompagnât ? Pourquoi avait-il voulu franchir cette barrière au risque de se rompre le cou ? Enfin, pourquoi ce silence ? Pourquoi cette oppression ? Pourquoi ce trouble ? Lorsqu'ils avaient été en tête-à-tête au milieu de ces sapins, dans ce coin perdu de la forêt, qui semblait fait à souhait pour provoquer une explosion de tendresse et d'amour ? À toutes ces interrogations, la même conclusion, il l'aimait. Mais alors, pourquoi avait-il fermé ses yeux ardents ? Pourquoi avait-il retenu les paroles qui se pressaient sur ses lèvres ? Pourquoi avait-il abaissé ses bras qui s'ouvraient pour l'embrasser ? Pourquoi s'était-il tout à coup arrêté quand elle-même ne l'arrêtait pas ? Le marquis n'était pas un bon petit jeune homme de 18 ans, simple et timide, auquel une femme doit arracher ces trois mots terribles « Je vous aime », qui ne peuvent sortir de ses lèvres tremblantes. Il les avait prononcés bien des fois dans sa vie d'homme à bonne fortune, ces trois mots, et mieux que personne, sans doute, il savait la manière de les dire ou de les faire entendre selon le caractère de la femme à laquelle il s'adressait. Si, dans le bois de sapin, il avait imposé silence à ses lèvres comme à ses yeux, alors que dans la solitude de cette forêt, ils étaient à l'abri de toute surprise, alors qu'elle se tenait devant lui dans une attitude qui n'avait rien de décourageant, c'est qu'il avait voulu ce silence, ayant assurément des motifs pour se l'imposer. Lesquels ? Quand on est Arthur de Rudemont, et que par une belle journée de printemps on se trouve avec une femme jeune, au fond d'un bois, dans un endroit écarté, où on l'a amenée au risque de la tuer, si l'on se tait, et si l'on refoule au fond de son cœur le mot « amour » qui jaillissait des yeux, du geste, de l'attitude, de tout, les lèvres acceptées, c'est qu'on a des raisons de se taire, ou bien c'est qu'on aime peu cette femme. Les raisons de ce silence, elle ne se les expliquait pas. Il ne l'aimait donc point. Ce qu'elle avait cru être de l'amour n'était qu'une fantaisie, une bouffée de printemps, un désir auquel il n'avait point voulu céder, de peur, sans doute, de se lancer dans une aventure pour en entraîner plus loin qu'il ne voulait aller. Courant ainsi aux extrêmes, et se perdant dans des conclusions contradictoires qui, les unes comme les autres, s'appuyaient sur des raisons plausibles, elle ne voulut s'arrêter à aucune avant d'avoir préalablement réfléchi et lentement posé le pour et le contre. La situation qui se présentait était critique, et les résultats qu'elle allait en sortir pouvaient avoir une influence considérable pour son avenir. Or, le moment était arrivé pour elle de prendre d'une main ferme la direction de sa vie, gravement compromise par son mariage. Si elle ne voulait pas mourir dans la misère, ni garder jusque dans la vieillesse le collier d'institutrice qu'elle portait au cou, il était temps, il était grand temps, qu'elle se décida à agir. Elle l'avait connue tout enfant, cette misère, avec les angoisses de la faim, les souffrances et les humiliations de toutes sortes qui sont son lugubre accompagnement, et dès cet âge elle s'était habituée à la considérer avec horreur et épouvante. Tandis que son père, toujours joyeux, toujours heureux, n'ayant pas souci du lendemain, dépensait sans compter l'argent qu'il gagnait, sa mère était une petite bourgeoise, rude aux autres et à elle-même, âpre au gain, infatigable, qui, sur les 24 heures de la journée, en passait 18 dans un travail acharné, et qui, à chaque instant, disait à sa fille « Surtout, ne sois pas misérable !» Ça avait été son dernier mot à son lit de mort, et il était entré dans le cœur de l'enfant comme une flèche largement dentelée qu'aucun effort ne peut arracher de la blessure qu'elle fait. Dès ce jour, la misère, comme un cauchemar horrible, s'était installée sur son oreiller d'enfant, et chaque nuit, elle s'était dressée devant elle. Dans son sommeil troublé, elle voyait sa mère, pâlie, décharnée, usée par le travail comme par les privations, cousant fiévreusement, cousant toujours, ne s'interrompant que pour lui dire « Surtout, ne sois pas misérable !» Sous l'impulsion de cette frayeur, elle avait courageusement travaillé et accepté avec joie tous les maîtres que son père, dans des alternatives d'aisance et de gêne, lui donnait plus ou moins irrégulièrement, avançant lentement lorsqu'elle était seule, courant vite lorsqu'elle avait un guide. Ça avait été pour échapper à la misère qu'elle s'était mariée, car l'expérience de la vie qu'elle avait faite entre 18 et 21 ans avait été cruelle et pleine de douloureuses déceptions. Sans doute, le capitaine Beaujeunier n'était pas le mari qu'elle avait espéré dans ses rêves enthousiastes de jeune fille. Mais l'expérience de ces 4 années lui avait prouvé que les maris sont rares et difficiles à trouver pour les jeunes filles pauvres, si jolies, si intelligentes, si habiles que soient ces jeunes filles. Celui-là avait une position, il était militaire, ce qui peut conduire à tout. De plus, il était lié, par une parenté assez rapprochée, avec un général bien en cours et tout-puissant, Poirier, l'un des auteurs du coup d'État et l'ami du prince. Il l'adorait. Il serait un instrument docile, sans jamais se montrer gênant. Elle s'était mariée. Mais il avait fallu en rabattre de ses espérances. L'instrument qu'elle avait cru trouver était très incomplet, et de plus, il était déjà détraqué. Elle ne pouvait pas le pousser en avant, tandis que lui l'entraînait avec elle. En peu de temps, elle l'avait jugé et jaugé. C'était un boulet qu'elle s'était rivé au pied et qu'elle devrait traîner toute la vie. Bien vite, la dégringolade avait commencé, et lorsque, pour l'arrêter, elle avait voulu se cramponner à son cousin, le général, et lui demander son appui, celui-ci lui avait fait avec douceur cette réponse mémorable qui l'avait éclairée. « L'influence, ma chère belle, est comme toute chose en ce monde, elle s'use par l'usage. Si j'emploie la mienne pour votre mari, je la trouverai diminuée le jour où j'en aurai besoin pour moi. Et ce jour arrive souvent dans une année. Intelligente comme vous l'êtes, vous devez comprendre cela. Cependant, je ne refuse pas de m'occuper de votre mari. Qu'il réussisse d'abord. Quand il sera dans la voie du succès, je le pousserai. Cela me sera facile alors. À vouloir le tirer du bas-fond où il lutte, je me fatiguerai inutilement. » Qu'il réussisse d'abord. Justement, à ce moment, le malheureux se débattait dans l'enquête ouverte sur ses comptes. Tout ce qu'elle avait pu obtenir du général, ça avait été qu'on abandonnât l'instruction commencée. Il avait fallu se laisser tomber dans la misère parisienne, la pire de toutes, avec un mari incapable d'un travail quelconque, exaspéré par l'humiliation, corrompu par tous les vices, et qui un jour ou l'autre traînerait dans quelque affaire scandaleuse ce nom de Beaujeunier qu'elle avait fait la sottise d'accepter. De nouveau, elle avait connu la lutte avec les créanciers et la bataille pour le pain quotidien. Surtout, ne sois pas misérable. Et elle était jeune, elle était jolie, elle était intelligente. Se laisserait-elle donc rouler dans le linceul fangeux de la misère, sans lutter, sans faire usage des armes mises par la nature entre ses mains, et dont jusqu'à ce jour elle n'avait pas su ou n'avait pas voulu se servir? Lutter pour être riche était plus facile que lutter pour ne pas mourir de faim. Mais pour lutter, il faut un point d'appui, un terrain favorable, et elle était dans la boue. On était venu alors lui proposer d'entrer comme institutrice chez le marquis de Rudemont. C'était encore l'esclavage, mais au moins ce n'était plus la fin. Là, elle verrait. Elle pourrait attendre plus patiemment le moment d'agir. Elle avait vu qu'elle tombait dans une situation trouble, au milieu de laquelle il pouvait y avoir à pêcher pour qui saurait tendre ses filets. De là, son premier plan. Mais, dans cette guerre de famille, à se faire l'allié de l'un ou de l'autre parti, il n'y avait que peu à gagner. ce n'était pas ce qu'il obtiendrait par ce moyen qui la mettrait pour jamais à l'abri de la misère. Le présent, il est vrai, serait assuré. Et après ce qu'elle avait eu à supporter en ces derniers temps, c'était beaucoup, mais l'avenir restait incertain. Tandis que si le marquis l'aimait, quelle différence! Que ne pourrait-elle pas obtenir de cet amour qu'elle saurait transformer en une véritable passion? L'aimait-il? Ne l'aimait-il pas? Pour elle, toute la question était là, et c'est avec angoisse qu'elle l'étudiait. Pour la première fois, elle tenait la fortune à portée de sa main. Saurait-elle la saisir? La laisserait-elle échapper?